France Inter, franceinter.com. C'était le grand méchant loup, Carlos, le terroriste numéro un. Omniprésent, omnipuissant, l'homme qui osait adresser des lettres manuscrites et menaçantes signées de ses empreintes digitales à notre ministre de l'Intérieur afin d'obtenir la libération de ses comparses. Et qui, en l'absence de réponse positive, passait à l'acte et perpétrait des attentats meurtriers en France. Carlos, trait d'union entre les divers mouvements terroristes, Banda Bader, Brigade Rouge, Front Populaire pour la Libération de la Palestine, Armée Rouge Japonaise, Action Directe, etc. Une internationale de la terreur dont ce Vénézuélien, Ilich Ramirez Sanchez, de son vrai nom, aurait été le chef d'orchestre et parfois le bras armé. Comme le furet de la chanson, on croyait le voir partout. Dans les hôtels internationaux, dans les aéroports, toujours très élégant, un cigare au bec et inévitablement entouré de jeunes et jolies femmes. Bref, le playboy du terrorisme. Et puis, après la chute du mur, il mène une vie d'errance rejetée peu à peu par ses anciens protecteurs, jusqu'à son arrestation en 1994 à Khartoum. Une capture qui, selon M. X, reste encore à bien des égards mystérieuse. Pourquoi ? Le gouvernement soudanais, fer de lance de l'islamisme et réputé soutenir le terrorisme international, l'a-t-il soudain lâché ? Comment a-t-il pu laisser faire les agents français qui ont profité d'une banale opération d'une varice pour se saisir d'un Carlos amoindri et sans doute drogué ? Les médecins soudanais étaient-ils complices ? Et quel prix la France a-t-elle payé ? Des questions essentielles qu'il faut aussi examiner à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui au Soudan et dans sa province occidentale, le Darfour. En la rama de Usama, los gallos buscan el día. En la rama de Usama, los gallos buscan el día. Y cruza la lejanía un canto de Alcaraba. La la la la la la la la. La luna se va ocultando, la luna se va perdiendo, la luna se va ocultando, la luna se va perdiendo. Y un perro le va ladrando y un perro la va siguiendo, la la la la la la la. Yegua mora y mi silla de montar, mi sombrero, mis espuelas y mi soga de enlazar. ¿Dónde está mi yegua mora y mi silla de montar, mi sombrero, mis espuelas y mi soga de enlazar? La compra del becerrero, cantándole a la vacada. La compra del becerrero, cantándole a la vacada. Palpita en la madrugada del botalón al tranquero, la la la la la la la la. Yegua mora y mi silla de montar, mi sombrero, mis espuelas y mi soga de enlazar. ¿Dónde está mi yegua mora y mi silla de montar, sombrero, mis espuelas y mi soga de enlazar. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une question d'abord. Carlos, qui purge en France une peine de réclusion à perpétuité, était-il à la hauteur de son mythe ? Que voulez-vous dire là ? Bon, je me demande simplement si le Vénézuélien n'est pas d'abord une création médiatique. Peut-être, mais enfin, ses crimes sont bien réels, non ? Ne serait-ce que le triple assassinat de Rutulier. Ce qui lui a valu sa condamnation par la justice française. Ouais. Il y a aussi les attentats, la grenade dans le drugstore Saint-Germain, la bombe dans le train Toulouse-Paris ou à la gare Saint-Charles à Marseille. Vous avez raison. Pendant, et les médias ont naturellement assuré le relais, Carlos n'a jamais raté une occasion de faire sa publicité. Il a même confié à l'un de ses anciens complices « Plus on parle de moi, plus j'ai l'air dangereux, et mieux c'est pour moi. » Ah oui. Enfin, en dehors d'un problème d'ego là, qu'est-ce que ça signifie ? Carlos, c'est presque de notoriété publique, aime beaucoup l'argent et les facilités qu'il offre. Attends, je crois que quelqu'un m'écrit un souvenir là, mais une journaliste du Nouvel Observateur, je crois. Carlos, un pied dans le luxe, un autre dans la révolution. Oui, alors en soignant sa pub, Carlos faisait aussi monter les prix. Le prix de ses services, quoi. Bien entendu. Carlos, militant révolutionnaire, va devenir peu à peu un mercenaire qui vendra ses talents, si je puis dire, aux plus offrants. Généralement, des gouvernements qui le paieront pour commettre des attentats et parfois même des assassinats. Il n'est donc plus question d'idéal. Non, même si c'est principalement des États arabes ou islamiques qui l'emploieront. Et bien sûr, les anciens pays de l'Est. La deuxième observation que je voudrais faire en ce début d'entretien, c'est que pour les Français, la capture ou l'élimination du chacal, comme on l'a surnommé, était un objectif très important. Oui, à cause de ce triple assassinat de la rue Toulier. Deux inspecteurs de la DST tués et un troisième grièvement blessé. Ça ne passait pas. Et le troisième mort, rappelez-moi là. Un Libanais, membre de l'organisation à laquelle appartenait Carlos et qui avait été retourné par le Mossad. Une taupe, donc. Et qui a payé de sa vie cette trahison. La DST, notre service de contre-espionnage, était par conséquent prête à tout mettre en œuvre pour retrouver Carlos, quitte à bafouer quelques principes. Lesquels ? Parce qu'en théorie, la DST, partie intégrante de la police française, ne pouvait agir qu'à l'intérieur de nos frontières. Oui, mais attendez, dans l'affaire Farwell, par exemple, elle n'a pas hésité à sortir de ses attributions. Oui, mais il s'agissait d'une affaire exceptionnelle. Et c'est pourquoi les autorités ont fermé les yeux. Et puis, il faut tenir compte de la traditionnelle rivalité qui l'opposait au SDEC, devenu le DGSE. Dès qu'il s'agissait de faire la nique à l'autre service, tous les coups étaient permis. Et d'ailleurs, il faut tout de même signaler que l'homme clé de la capture de Carlos, le fameux général Rondeau, a réalisé une sorte d'exploit en commençant à travailler pour le SDEC avant d'être un peu plus tard recruté par la DST. Il est donc passé à l'ennemi en quelque Exactement, sorte. Exactement, oui. Et c'est le Rondeau de l'affaire Clearstream. En effet, le même. Mais on aura l'occasion de reparler de lui. Alors, je me souviens qu'il y a bien longtemps, vous m'avez parlé de Carlos déjà. Oui, essentiellement du triple assassinat de la rue Toulier à Paris, où les policiers de la DST sont tombés dans un véritable piège tendu par le Mossad. Les policiers, mais aussi Carlos. Ouais, d'accord, mais enfin, c'est quand même Carlos qui a tiré et tué. Hein. Évidemment. Alors, un petit rappel peut-être ? Ce soir de juin 1975, Ilich Ramirez Sanchez fait la fête. Ouais. On a souvent parlé de son goût pour l'alcool et les jolies filles. Carlos a toujours aimé la belle vie, mais il s'est aussi servi de son image de playboy. Comment imaginer que ce type qui buvait, draguait, dépensait sans compter, était en réalité un dangereux terroriste ? Et puis, il ne faut pas oublier que toutes ces filles qu'il draguait lui rendaient aussi beaucoup de services. Leurs appartements étaient autant de planques. Mais revenons donc à cette soirée de juin. Carlos, une bouteille de whisky à la main, se rend rue Toulier dans un studio loué par deux de ses amis, Maria Lara et Nancy. Il y a d'autres personnes ? Oui, quelques étudiants des deux sexes, tous sud-américains. C'est un pot d'adieu. L'une des filles, Nancy, retourne chez elle au Venezuela. Donc on boit, on danse dans une ambiance typiquement sud-américaine. Mais soudain, on frappe à la porte. L'une des jeunes filles va ouvrir. Derrière la porte, il y a deux hommes. Deux policiers. Ils se présentent comme tels ? Et ils montrent leur carte de police de la DST. Il y a là un commissaire principal, Jean Errance, et un inspecteur, Raymond Douce. Tout le monde présente gentiment ses papiers d'identité. Même Carlos ? Même Carlos, oui. Ouais. Des faux papiers ? Bien sûr. Je ne sais plus quel patronyme il porte alors, mais son prénom d'emprunt est Carlos. Et c'est désormais sous ce nom qu'il sera connu. La tension commence réellement à monter lorsque les policiers entreprennent de questionner Carlos et lui présentent des photos. On y voit le Vénézuélien en compagnie d'un Libanais, Michel Moukarbal, un homme que la DST soupçonne d'être un terroriste palestinien. Mmh. Oui, mais réaction de Carlos hein. Il nie de la façon la plus formelle connaître cet homme et il menace d'en appeler à son ambassadeur. Alors le commissaire, après avoir vérifié que Carlos n'est pas armé, demande à son inspecteur d'aller chercher Moukarbal, qui attend dans la rue en compagnie d'un autre policier. 5 minutes plus tard, le nommé Moukarbal apparaît, suivi de l'inspecteur Douce et d'un autre inspecteur, Donatini. Mmh. Hey, je me souviens, soudain, tout va très vite. Oui, dès que Moukarbal pénètre dans la pièce, le commissaire l'apostrophe. Connaissez-vous quelqu'un dans cette pièce ? Aussitôt, le Libanais désigne du doigt Carlos. Alors, celui-ci dégaine un pistolet et tire. Oui, attendez, le commissaire l'avait pourtant fouillé. Oui, mais enfin, Carlos avait dû dissimuler l'arme dans la pièce et il s'en est emparé à l'insu du commissaire. Il tire 4 balles. D'abord sur Moukarbal, puis sur les 3 policiers de la DST. Puis il ramasse ses douilles et disparaît. Bilan, 3 morts. Les 2 inspecteurs et Moukarbal et 1 blessé, le commissaire Errance. Mmh. Les policiers n'ont donc pas essayé de riposter. Bah parce qu'ils n'étaient pas armés. Ah, une faute alors ? Non, ils sont tombés dans ce piège dont je vous parlais tout à l'heure. Alors bon, je vous livre à grands traits ma version des faits. Moukarbal, authentique cadre du FPLP, l'organisation palestinienne de Georges Habash et Wadi Haddad, a été retourné par le Mossad. Interpellé par la DST à son arrivée en France, il a proposé aux policiers de les mettre en relation avec un important terroriste. Carlos. Par conséquent, lorsque les hommes de la DST se présentent rue Toulier, ils estiment à juste raison ne rien avoir à craindre. Mais Carlos comprend très vite qu'il a été trahi. Surtout lorsqu'il voit apparaître Moukarbal avec les inspecteurs de la DST. Et il tire aussitôt. Et je suis persuadé que la violente réaction était prévue dans le scénario élaboré par le Mossad. Mais pourquoi, là, rappelez-moi là, Les Israéliens ne supportaient plus que la France soit une terre d'asile pour les Palestiniens. Il existait même une sorte d'accord tacite entre les organisations palestiniennes et les autorités de notre pays. Tant que la France demeurait un sanctuaire, la police laisserait en paix les militants présents sur notre sol. Alors oui, le massacre de la rue Toulier pouvait apparaître comme une sérieuse entorse à cet accord. Ben, naturellement. Mmh. En faisant tuer des policiers français par Carlos, puis en orchestrant ensuite une véritable campagne de publicité sur les réseaux terroristes, les Israéliens étaient sûrs de contraindre la France à agir. Et donc de s'attaquer directement au réseau palestinien en France. Pure hypothèse quand même. Hein. Étayée par de nombreux éléments concordants. Mmh. Une chose, moi, me chiffonne tout de même. Là. Mmh. Tout le scénario reposait sur ce Moukarbal. Hein. Alors, celui-ci, en conduisant les types de la DST jusqu'au studio de la rue Toulier, ne pouvait ignorer que Carlos risquait de le tuer lui aussi. Certainement, oui. Carlos, le voyant avec des policiers français, réaliserait aussitôt qu'il était trahi. Et Moukarbal connaissait assez bien Carlos pour savoir comment il réagirait. Et cela aussi, c'était prévu par le scénario du Mossad. Mais après tout, peut-être que Moukarbal en avait assez de trahir les siens et que c'était pour lui la meilleure façon d'en finir. Mmh. Et la DST, alors, a-t-on compris qu'il s'agissait là d'une manipulation ourdie par le Mossad ? Bien évidemment. Mais il restait que venait d'apparaître sur la scène internationale du terrorisme un nouveau personnage. Un type redoutable et capable du plus grand sang-froid. Ouais, c'est vrai que quand il a ramassé les munitions, enfin, un nouvel ennemi public, quoi. Alors autant pour donner des gages à l'opinion publique que pour satisfaire le désir de vengeance des policiers, il a été décidé d'essayer par tous les moyens de retrouver Carlos. Car Mossad ou pas Mossad, c'était lui, l'assassin, le tueur de flics. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Roger Vibeau a été le patron tout-puissant de la DST jusqu'au retour du général de Gaulle au pouvoir. À l'époque du triple assassinat de la rue Toulier, François lui a demandé un avis d'expert. L'ancien directeur du contre-espionnage commence d'abord par s'étonner, je le cite. « Cette affaire de la rue Toulier, je ne la comprends pas. Elle est en contradiction formelle avec les instructions que j'avais données lorsque je dirigeais la surveillance du territoire. Même pour des opérations de routine, il était de règle que les fonctionnaires soient armés. » Plus loin, Vibeau ajoute « Je suis également étonné que l'équipe ne soit pas arrivée sur place avec une voiture et un chauffeur qui est attendu dans la rue la fin de l'opération. » Et il conclut « Il y a peut-être des raisons spéciales très supérieures et très compliquées, mais tout de même, les méthodes employées me paraissent très inhabituelles. Des raisons spéciales très particulières. Cela pourrait coller avec la thèse de M. X. » Alors après ce préambule destiné à vous faire comprendre pourquoi les policiers français étaient tellement acharnés à retrouver Carlos et à le capturer, ben, je vous propose un petit retour en arrière. Quoi, le passé de Carlos. Exactement. Bon, vous le savez, le jeune Ilich Ramirez Sanchez, né en 1949, est issu d'une famille de la bourgeoisie vénézuélienne. Ouais. Son père est avocat. Hein. Oui, mais ouais. Cet homme aisé est aussi un marxiste convaincu. Et d'où ce prénom Ilich donné à son fils. En hommage à Lénine, oui. Pour autant, le jeune homme vit une existence de gosse de riche. A-t-il, comme on l'a prétendu, fait le voyage de Cuba où il aurait séjourné dans un camp d'entraînement? Bon, ça, je ne le sais pas. Carlos a, en tout cas, toujours nié. Et au fond, peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est que très vite, Ilich a épousé les idées de son père. Oui, mais en même temps, il mène la belle vie. Absolument. Et il continue à Londres, où sa mère divorcée s'est exilée avec ses trois enfants. Puis c'est Moscou, où le jeune homme, après ses études secondaires, rejoint l'université Patrice Lumumba. Ouais, une université qui, à l'époque, est un creuset tiers-mondiste. Et même révolutionnaire. Mmh. On y trouve en effet beaucoup d'étudiants venus du monde entier qui, de retour chez eux, vont s'engager dans la lutte politique. Mmh. Moscou, après Londres, ça ne doit pas être folichon. Non. Effectivement, et Carlos s'ennuie, même s'il lui est difficile de renoncer à sa vie de bambocheur. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être envoyé de l'université. Toutefois, ici, une question se pose. Bon, une question dont je n'ai pas la réponse. Officiellement, Carlos est viré parce que c'est un fêtard. Mais est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez dire, là, quoi, là? Un recrutement par le KGB, par exemple. Qui pourrait soupçonner un agent derrière ce type qui ne pense qu'à faire la fête? Ah oui, alors, faire la fête, ce serait une sorte de couverture, en somme. Mais vous ne savez pas. Eh non, non. Toutefois, les Américains qui ont toujours tendance à voir le diable partout, sont persuadés que Carlos a été recruté par les Soviétiques. Ce qui, par contre, paraît plus sérieux, c'est qu'il a rencontré à Moscou des gens du FPLP. Oui, des Palestiniens radicaux. Et qui ont déjà choisi la voie terroriste. Quoi qu'il en soit, le jeune homme est bien obligé de regagner Londres. Mais dès cette époque, on est alors au tout début des années 70, Carlos, qui a repris sa joyeuse vie d'antan, fait de fréquents séjours au Proche-Orient. Afin de revoir les types du FPLP? Bien entendu. Mm-hmm. Mais que cherche-t-il alors? À entrer dans l'organisation. Mais il n'est pas palestinien, lui. Il est même arabe, et c'est un avantage pour les chefs du FPLP. Carlos passera plus facilement inaperçu lorsqu'on lui demandera d'exécuter des actes terroristes. Autre qualité qu'on lui reconnaît, son don pour les langues. À Moscou, il a appris le russe, mais il parle aussi l'anglais et le français, sans oublier l'espagnol, bien sûr. Mm-hmm. Il est donc effectivement recruté par... Et il lui est proposé d'effectuer un stage de formation dans un camp du FPLP installé au Liban. Entraînement au maniement des armes et des explosifs, tests d'aptitude physique également et apprentissage des sports de combat. Le terroriste empâté dont nous avons tous vu les photos après sa capture est alors un jeune homme svelte et sportif. Et son goût pour le luxe ou la vie facile ne rebute pas les dirigeants palestiniens? Ah bien au contraire. Comme vous le disiez vous-même, cette image de playboy fortuné est une excellente couverture pour un terroriste international. Il faut quand même m'expliquer pourquoi Carlos a choisi la cause palestinienne. Oh, c'est très simple. Il a toujours proclamé, et encore aujourd'hui, qu'il était un soldat de la révolution en lutte contre l'impérialisme et le colonialisme. Il a très vite considéré, et il était loin d'être le seul, que la lutte contre Israël était une étape décisive dans ce combat mondial. Ouais. Deuxième question, alors. Mm-hmm. Dans l'hypothèse Carlos, agent soviétique, quel aurait été l'intérêt du KGB dans ce recrutement par le FPLP? Il n'est jamais inutile de savoir ce que vos meilleurs amis préparent. Ah oui, au cas où il vous ferait des cachotteries, c'est vrai? Exactement, oui. En tout cas, assez vite, Carlos prend du galon au sein de l'organisation. Il est même affecté au fer de lance du FPLP, un groupe clandestin connu en Occident sous l'acronyme COSE, Commandement des opérations spéciales à l'étranger. Une structure placée sous l'autorité d'un Libanais, Mohamed Boudia. Ah oui, c'est un intellectuel, directeur d'un théâtre à Paris, je crois, et qui sera ensuite assassiné à Paris encore par le Mossad. Dans l'explosion de sa voiture, oui. Mmh. En juin 1973, très exactement. Et à la mort de ce Boudia, c'est un certain Moukarval qui lui succède. Ben, c'est celui de la rue Toulier, là. Lui-même. Et Carlos devient son bras droit. Ce qui prouve que Moukarval connaissait très bien Carlos et ses éventuelles réactions en cas de trahison. Mais enfin bon, passons. Ouais. Et quelles sont alors les premières missions du Vénézuélien? Il est d'abord chargé au nom de l'organisation de prendre des contacts avec d'autres groupes révolutionnaires en Allemagne, en Italie et même au Japon. Ah oui, l'armée rouge japonaise. Oui. Ouais. Ah oui. Mais attendez, que cherche alors le FPLP là? Constituer une sorte d'international du terrorisme? Et de l'action révolutionnaire. Mais ce qu'il faut essentiellement retenir, ce sont les relations que Carlos va nouer avec un certain nombre de militants allemands, plus ou moins proches de la fraction Armée Rouge. Et parmi eux, il y a sa future épouse, Magdalena Kopp. Mais bien sûr, on reparlera d'elle, car elle va jouer un rôle très important dans la vie de Carlos. Mais pour l'instant, si j'ose dire, Carlos n'a pas mis lui-même la main à la pâte. Ah bah pour autant qu'on sache, non. Et où vit-il? À Londres, avec sa mère. Et c'est d'ailleurs à Londres qu'il va être chargé de sa première mission violente. De quoi s'agit-il, là? D'assassiner Joseph Siff, frère du dirigeant des magasins Marks & Spencer, et qui est président du Congrès juif britannique. Ouais. Personnalité, en effet. Et comment ça se passe? Carlos réussit à s'introduire chez Siff et lui tire une balle en pleine tête. Mais, miraculeusement, ce dernier survit car le projectile a été dévié par sa mâchoire. Ouais. Et Carlos, lui? Oh ben, il s'est tranquillement enfui, et malgré l'échec de cet assassinat, c'est surtout le sang-froid avec lequel il agit qui forcera l'admiration de ses commanditaires du FPLP. Alors, le voici donc reconnu comme un homme d'action. Et comme un futur chef, oui. En 1974, Carlos participe à de nombreuses actions terroristes et parfois même les initie. Il commence par piéger des voitures devant trois organismes de presse à Paris. Puis c'est la prise d'otage à l'ambassade française de La Haye par un commando japonais. Carlos n'est pas sur place, mais c'est lui qui a fourni les grenades. Et quelques jours plus tard, c'est l'attentat contre le drugstore, un attentat destiné à faire pression sur les autorités françaises dans l'affaire des otages de La Haye. Il y aura des morts, hein, deux morts, oui, ouais. Et de nombreux blessés. Et on le sait, c'est Carlos en personne qui a agi. Oui, c'est lui qui a lancé la grenade. Et enfin, au début de 1975... il est mêlé à un autre attentat à l'aéroport d'Orly. Wadi Haddad a envoyé à Paris trois Palestiniens formés au maniement du bazooka. Deux mois plus tôt, à la tribune des Nations Unies, Arafat vient d'annoncer qu'il renonce à la lutte armée. Pour le FPLP, c'est une trahison. Et il faut absolument faire capoter d'éventuelles négociations avec Israël. C'est cela. Et le commando envoyé par Haddad doit détruire un avion d'El Al avant son décollage. Donc, avec ses passagers. Et quelle est la part de Carlos dans cette action? Il s'occupe de la logistique et doit même récupérer les terroristes après l'action. Notez que c'est un certain Johannes Weinrich qui conduit les Palestiniens de Francfort à Paris. Weinrich qui va devenir l'un des plus proches lieutenants de Carlos. Qui est celui-là? Ce libraire allemand est membre des cellules révolutionnaires. Et il est aussi accessoirement le compagnon de Magdalena Kopp. La future épouse de Carlos. Alors, en tout cas, vous savez ce qui s'est passé. Les Palestiniens, armés de leur bazooka, arrivent à pénétrer sur la terrasse qui domine l'aérodrome. Celui qui doit tirer vise l'avion d'El Al. Mais c'est un appareil yougoslave vide de passagers qui se trouve derrière, qui est touché et explose. Mais, et ça restera longtemps un mystère pour la police. Qui cherchera d'abord une piste dans les Balkans. Les terroristes ont donc échoué. Mais en plein accord avec Carlos, ils sont décidés à récidiver. Et au plus vite, trois jours plus tard, ils se trouvent à nouveau sur la terrasse d'Orly avec leur lance-roquette. Audace ou inconscience, hein? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai. que la présence policière a été renforcée après le premier attentat et presque inévitablement, les trois Palestiniens se font repérer. Alors ils tirent dans la foule et prennent quelques otages. Et finalement, le ministre de l'Intérieur, Poniatowski, craignant un bain de sang, acceptera de les laisser monter dans un avion à destination du Proche-Orient. Alors, audace ou inconscience, me demandiez-vous, eh bien, sachez seulement que l'un de ces Palestiniens n'était autre qu'Abou Nidal. Nidal, là, qui faisait là ses premières armes. Ah, et avant de devenir, à l'égal de Carlos, l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, tous les samedis à 13h20 sur France Inter. Un livre très documenté sur Carlos est paru en 1997 aux éditions Jean Picolec. Intitulé « Carlos, le dossier secret », écrit par Roland Jacquard et Dominique Nasplez, il retrace l'étonnant parcours du terroriste le plus connu au monde et revient sur sa jeunesse. Je cite ses auteurs. Ilich Ramirez Sanchez est né le 12 octobre 1949 à Caracas dans une famille aisée aux idées marxistes. Ses frères cadets, Lénine et Vladimir, sont nés en 1951 et 1958 et vivent toujours au Venezuela. Les deux auteurs remarquent qu'en prénommant ainsi ses trois enfants, le père a voulu clairement afficher ses opinions. Ils ajoutent: en échange de ces trois prénoms révolutionnaires, la mère, Donna Alba, une catholique fervente, a obtenu le baptême de ses enfants. Jacquard et Nasplez évoquent ensuite la vie dans la famille. La Casa Ramirez est en ébullition permanente. La politique fait partie de la vie de famille, le marxisme et la religion domestique. José Ramirez aura une influence considérable sur son fils toute sa vie. Ilich verra en lui le modèle de l'engagement au service d'une idée supérieure, un engagement qu'il qualifiera plus tard de religieux. Et plus loin, les deux auteurs parlent de ce père qui a eu une influence si grande sur Carlos. Ils écrivent que Ramirez est une personnalité hors du commun, qui aime la révolution mais aussi le luxe et le pouvoir de l'argent. Un intellectuel brillant qui jouait avec le feu en flirtant avec un communisme interdit, ou encore en envoyant ses enfants à l'université Patrice Lumumba de Moscou, alors que lui-même usait et abusait des mécanismes subtils du capitalisme pour s'enrichir. La fusillade de la rue Toulier, si elle a causé la mort de trois hommes, permet aussi à la police de mettre au jour l'existence d'un véritable réseau FPLP en Europe. Les enquêteurs remontent en effet les pistes, découvrent des documents, des armes. Oui, mais Carlos est loin. Hein. Ah, il est en vacances en Algérie et se donne du bon temps. Un peu trop sans doute, parce que lorsqu'il retrouve ses chefs au Yémen, on se moque de son tour de taille et on l'invite fermement à reprendre l'entraînement. Non, plus sérieusement, ses retrouvailles sont houleuses. L'impétuosité de Carlos Rutulier a coûté très cher. Ah bah, la quasi-destruction du réseau. Hein. Et une surveillance accrue dans les aéroports. Mais Carlos ne se démonte nullement. Brandissant des articles de journaux, il se vante de sa nouvelle popularité. Le chacal, comme on l'appelle désormais, est devenu une vedette du terrorisme. Et ça, ça ne peut que servir la cause palestinienne. Moi, ça ne me paraît pas très évident. Oui, là, je suis d'accord. Et Wadi Haddad commence à se méfier de ce type qui est décidément mégalo. Il n'empêche qu'il lui confie la mise en œuvre de la prochaine action du mouvement, une prise d'otage lors d'une réunion de l'OPEP à Vienne. Oui, l'organisation des États producteurs de pétrole. Oui, une prise d'otage qui doit être très spectaculaire. Et pourquoi l'OPEP Les États arabes qui en font partie sont accusés de ne pas aider suffisamment leurs frères palestiniens. Mais ça ne vous étonnera pas, Kadhafi s'est proposé pour financer l'opération, à condition que deux ministres soient tués. L'Iranien et le Saoudien. Carlos est donc chargé de l'organisation militaire de l'opération et du recrutement du commando, tandis qu'un Libanais, un certain Anis Nakash, s'occupera des aspects politiques. Et Nakash, c'est l'homme qui plus tard essaiera d'assassiner l'ancien dirigeant iranien Shapour Bakhtiar. Et vous voyez qu'au cours de sa sanglante carrière, Carlos a fréquenté le gratin du terrorisme mondial. Enfin, bon, vous dites ça. Ouais, je vous passe le détail de cette prise d'otage que vous devez avoir en mémoire. Le commando composé de Palestiniens et d'Allemands, des cellules révolutionnaires, a reçu de Carlos des ordres stricts. Toute personne s'opposant à leur action doit être immédiatement abattue. Et c'est ce qui va se passer, presque immédiatement. Déjà, deux morts alors que les terroristes viennent tout juste de pénétrer dans l'immeuble de l'OPEP. Et ensuite, c'est la prise d'otage proprement dite. Hein. 11 ministres et une vingtaine d'autres personnes. Carlos, supplantant Nakash, négocie avec le chancelier autrichien et obtient un avion dans lequel montent les otages, direction Tripoli. Mais curieusement, les Libyens n'autorisent pas l'atterrissage. Attendez, alors que, d'après ce que vous m'avez dit, Kadhafi a financé l'opération. Et justement, au dernier moment, il n'a pas dû vouloir assumer cette complicité, mais ça permettra à Carlos de ne pas exécuter sa promesse. Voilà, l'exécution des ministres saoudiens et iraniens. Et ça vaudra plus tard à Carlos sa première vraie brouille avec le chef du FPLP, Wadi Haddad. Ensuite, c'est l'atterrissage à Alger, la libération très médiatisée des otages et une photo qui fera le tour du monde. Carlos, mince, béret sur la tête et lunettes de soleil, marchant tranquillement sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Ah oui, je me souviens. Carlos qui est en train de devenir une sorte de mythe. En effet, cette prise d'otage de Vienne a beaucoup fait pour enrichir sa légende. Et naturellement, il goûte ensuite un repos du guerrier mérité. D'autant que ses relations avec Haddad se sont détériorées. Ainsi, le chef palestinien lui a refusé d'organiser la prochaine action du mouvement, le détournement d'un vol Tel Aviv-Paris. Et qui se terminera sur l'aérodrome ougandais d'Entebbe, c'est ça? Et le commando des pirates, oui, sera éliminé au cours d'un raid particulièrement audacieux des militaires israéliens. Et c'est en Yougoslavie, où il séjourne dans un hôtel de luxe, que Carlos prendra connaissance de cet échec. Question, mais d'où vient l'argent qui lui permet de vivre aussi fastueusement? C'est de l'argent algérien. Une grosse récompense afin de le remercier de ne pas avoir tué les ministres. Et Carlos a mis cette somme dans sa poche. Sans hésiter. Et d'ailleurs, le terroriste qui a pratiquement rompu avec le FPLP va désormais monnayer ses services. Mais ici, il se place un épisode plutôt amusant et qui témoigne de la notoriété de Carlos. Le président Giscard d'Estaing doit effectuer une visite d'État en Yougoslavie. Les services de renseignement français apprennent alors que Carlos séjourne dans le pays. Et aussitôt, on demande aux autorités de Belgrade de l'éloigner. Et ça montre en tout cas que nos services s'intéressaient de très près à Carlos. Hein. Ils ne l'avaient jamais vraiment perdu de vue, en effet. Donc les Yougoslaves demandent très poliment à Carlos de partir. Et le terroriste est prié de prendre un avion à destination de Bagdad. En première classe, naturellement. Coïncidence, c'est à Bagdad que Wadi Haddad meurt d'une leucémie et bénéficie de funérailles dignes d'un chef d'État. Dès lors, Carlos doit se sentir complètement libre. Encore plus libre, si j'ose dire. et c'est le moment qu'il choisit pour faire écrire par un ami écrivain sa biographie. Il n'a alors pas même 30 ans. Et décidément, la mégalomanie... Ouais, dans ce texte, il n'hésite pas à détailler tous ces meurtres qu'il a commis de sang-froid. Il parle de l'affaire de la rue Toulier ? Parfaitement, et en détail. Mais il se présente surtout comme un révolutionnaire fidèle au marxisme. Mmh. Il vit toujours à Bagdad, là ? Oui, dans une superbe villa que lui ont octroyée les autorités irakiennes. Donc Saddam Hussein, hein ? Évidemment. Même si Saddam n'est pas encore officiellement le numéro un, c'est déjà lui l'homme fort du régime. Et c'est dans cette magnifique villa que Carlos va accueillir ses amis Johannes Wenrich et Magdalena Kopp, qui ont jugé plus prudent de quitter l'Allemagne après de sérieuses investigations de la police dans le cercle des cellules révolutionnaires. Toutefois, leur séjour à Bagdad est de courte durée. Pourquoi ? Carlos, un peu trop voyant, a sans doute été prié une nouvelle fois de partir. Mais attention, il ne quitte pas l'Irak les mains vides. Les services secrets lui ont remis 200 000 dollars en billets. Pas mal. Et la prochaine destination, alors ? Budapest. Il s'installe à l'hôtel Intercontinental, tandis que Wenrich et Kopp louent une villa qui leur sert aussi à cacher des armes. Dans la Hongrie communiste, j'imagine que le trio doit être assez vite repéré. Hein ? Malgré leur faux passeport, oui. Et puis, Carlos ne fait rien pour se dissimuler. Au bar ou dans les boîtes de nuit de la capitale, il n'est pas avare de gros billets en dollars. Et ça attire forcément l'attention. Au reste, enfin, dans l'hypothèse où Carlos aurait été un agent de l'Est, il ne craindrait pas grand-chose. C'est évident. Et il prend toutefois la précaution de changer très souvent d'hôtel. C'est une trompe personne, non ? En tout cas, certainement pas les services hongrois. Et puis, il voyage beaucoup, uniquement en Europe de l'Est. On le voit par exemple à Berlin, où il a vraisemblablement pris contact avec la Stasi. Et dans quel but alors ? De trouver de nouveaux contrats. Que voulez-vous, il faut bien vivre et le pactole irakien s'épuise rapidement. C'est pourquoi Carlos prend contact avec de nombreux autres services secrets. Des pays de l'Est ? Essentiellement. Il va se voir proposer par exemple un contrat avec la trop célèbre Securitas Truman. De quoi s'agit-il là ? De perpétrer un attentat à Munich contre le siège de Radio Free Europe dont la propagande pro-occidentale irrite au plus haut point les oreilles de Ceausescu. Mais parfois... Carlos, toujours en quête d'argent, utilise des procédés de voyous. Il rackette ainsi certaines ambassades de riches pays arabes. Si vous ne payez pas, je fais sauter l'une de vos ambassades. Et ça marche, ça ? Apparemment. En même temps, Carlos essaie de structurer les gens sur lesquels il peut compter. Une organisation, alors. N'exagérons pas, bien qu'il l'appelle pompeusement l'ORI, l'Organisation Révolutionnaire Internationale. Mais quand même, il crée quelques groupes sans lien véritable entre eux. Ah, puis j'oubliais... Il se produit un changement notable dans la vie privée de Carlos. Magdalena Kopp. Oui, une créature magnifique, au dire de tous ceux qui l'ont rencontrée. Un soir, alors que Wenrich est en voyage, Carlos se rend chez la jeune femme, plusieurs bouteilles à la main. Et le lendemain matin, lorsque Carlos et Magdalena se réveillent, ils s'aperçoivent qu'ils sont dans le même lit. Vous avez une façon de résumer assez lapidaire. Ah oui, authentique. Cependant, malgré cette période de flottement dans l'existence de Carlos, le terroriste n'a rien perdu de sa dangerosité. Un seul exemple. Par l'intermédiaire d'un Irakien, qui est très probablement un agent des services, Carlos reçoit une demande d'interview d'un journaliste allemand, Karl Joseph Pfeffer. Mais, coïncidence ou pas, quelques jours plus tard, le journaliste est retrouvé mort à Beyrouth. Explication ? Carlos a peut-être trouvé là une façon radicale de prendre ses distances avec cet agent irakien. Mais j'ai déjà été trop long pour aujourd'hui. Je vous propose de reparler de Carlos la semaine prochaine. À samedi prochain pour la suite de ce récit consacré à Carlos. Monsieur X m'a en particulier proposé d'examiner en détail les circonstances de sa capture au Soudan. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et obtenir des détails bibliographiques et biographiques. Et merci à Michel Billoux, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub, et à samedi prochain.